Le masque aux yeux rouges par Henri-Jeanne Magog. Ce matin-là, à 10h30, James Oldsilver, le beau James, comme le nommaient les enthousiastes de l'écran, fit une entrée aussi gauche que grotesque dans le boudoir de Miss Pearl Rose. Or, si quelqu'un devait savoir se présenter avec aisance, c'était certainement le plus jeune milliardaire de Chicago, devenu depuis tantôt un an, par un caprice inexplicable, une des gloires du cinéma, dont Miss Pearl était l'incontestable reine. Contre toute vraisemblance, l'actrice se trouvait déjà dans son boudoir, le cinéma lui ayant appris à se lever de bonne heure. James Oldsilver trébucha, pivota sur lui-même, comme ébloui, et demeura planté au milieu de la pièce, foudroyant de regards farouches un innocent fauteuil qui contenait frileusement pelotonné la plus mignonne, la plus exquise des blondes. Il est bien inutile de faire le portrait de Miss Pearl. Les deux mondes savent qu'elle a 22 ans, de grands yeux bleus, et qu'elle secoue d'adorables façons d'authentiques boucles blondes. Paris, après New York, l'a vu nager, galoper, sauter, lutter ou faire le coup de feu. Mais dans ce boudoir, ce corps nerveux, cet être endiablé, retrouvait soudain tout le charme féminin, toute la séduction de la faiblesse. Entr'ouvrant pour sourire la cerise de sa bouche, fixant son visiteur de ses grands yeux d'azur, rieur et malicieux, elle était la femme, l'idole, l'énigme. Et si délicate, si frêle, dans son kimono de dentelle, le shake-hand de ce grand diable de James n'allait-il pas broyer sa menotte, d'autant que le partenaire habituel de l'actrice avait ce matin-là des façons tout à fait inquiétantes. Il ne souhaita point le bonjour, il ne s'excusa nullement de sa visite matinale. Il ne baisa même pas la main que lui tendit Miss Pearl. Il dit seulement, planté devant elle, « Miss Pearl, il faut en finir. Je vous aime. » Un éclat de rire, deux éclats de rire en cascade lui répondirent. Il se retourna, déconcerté, et fronça furieusement les sourcils. Le fauteuil qui faisait face à celui de l'actrice était occupé par un être bizarre, sorte de lutin aux yeux ardents, dont la chevelure noire, dénouée, s'épandait magnifiquement sur les épaules, jurant avec le costume masculin. 12 ans, 15 ans, garçon, fillette, on pouvait être perplexe. Et comme le disait elle-même la propriétaire des cheveux noirs, cela dépendait du scénario en cours. Car c'était Miss Calinette, autre gloire, jeune prodige, illustre dans les rôles d'enfant terrible. Et dame, quand on joue quotidiennement les gamins turbulents, il peut en rester quelque chose dans la façon de se tenir. Elle cria, à tue-tête, « Bonjour, James, vous fatiguez pas. Le tourneur n'est pas là, ni l'appareil. » Interloqué et visiblement contrarié, le jeune homme bredouilla, « Je vous en prie, Calinette, ne faites pas d'esprit, je parle sérieusement. » D'un bond, elle se jucha sur une console, prenant la pose du Bouddha, jambes repliées sous elle, buste immobile, tête droite et grimaçante. « Hop, j'y suis. 1, 2, 3, commencez. » James Oldsilver s'énervait. Il arpenta le tapis et revint se placer devant la blonde actrice. « Miss Pearl Rose, puis-je solliciter la faveur d'un entretien particulier ?»« Un tête-à-tête ?» goya Calinette. « Pearl, si tu dis oui, je te déshérite et je te fais enfermer jusqu'à ma majorité. » James affecta de ne pas entendre et continua à s'adresser à Miss Pearl, très amusée. « J'ai à vous confier des choses graves, » annonça-t-il. « Donc, ennuyeuse, refuse, il t'endormirait. Je vous supplie de vouloir bien prier Calinette de sortir. » Miss Pearl sourit. « Cher James, vous pouvez parfaitement vous expliquer devant Calinette, » dit-elle. « Il ne peut y avoir de secret entre nous. »« Vous le voulez, » dit rageusement Oldsilver. « Soit. » Il choisit un fauteuil et l'approcha du kimono, et ce geste lui permit de retrouver son calme. « Miss Pearl, » commença-t-il, « savez-vous pourquoi je fais du cinéma ?» L'actrice sourit malicieusement, sans toutefois répondre, mais l'incorrigible Calinette lança, d'une voix éclatante, « Parce que vous êtes dingo. »« D'accord, » riposta tranquillement James Oldsilver. « Je suis, ce que vous dites, depuis un an. »« Car il y a aujourd'hui un an, miss, aujourd'hui un an. »« Oui, un beau soir, » reprit Calinette, « vous êtes tombé chez Lousteur, le directeur de la polygraphe, et vous lui avez dit, « Je veux faire du ciné. » »« C'est exact. » »« Il vous a fait répéter, cet homme. Il croyait que vous lui apportiez un scénario. » Mais je t'en fiche, c'était comme acteur. Vous vouliez être vu sur l'écran. Ah, dame, Luster a fait une tête. C'est pas pour médire des amateurs, mais tout de même, on peut se méfier. J'avais la vocation, Calinette. Vous l'avez prouvé. Et des dispositions aussi. Mais on ne l'a su qu'après. Avant, Luster pouvait hésiter. C'est ce qu'il a fait. Et vous l'avez payé. Pas banal, mais d'un bien mauvais exemple. Au lieu de recevoir des cachets, vous en donniez, et des gros. Ah, il avait trouvé la bonne affaire, l'impresario de Perle. Et comme vous dites, voilà un an que ça dure et que vous donnez la réplique à Perle dans toutes les scènes qu'elle tourne. Ah, vous en avez une santé. Il en faut une solide, petite Calinette. J'ai failli 20 fois me rompre le cou. Je me livre aux exercices les plus violents. Je passe ma vie à sauver celle de Perle. Quand vous en aurez assez, James, dit Perle en souriant, il vous sera facile d'abandonner toutes ces émotions. Facile, facile, rugit l'acteur amateur en roulant des yeux furibonds. Sans doute. Comme le fait remarquer Calinette, vous n'avez pas besoin de vos cachets pour vivre. Le cinéma n'est pas pour vous un gagne-pain. Non, mais c'est mon gagne-cœur, soupira le beau James. Baissant un peu la tête pour n'être pas gêné par le regard moqueur de la fillette, il continua à demi-voix. Récapitulons, Miss Perle. Faisons le bilan de cette vie à la fois stupide et délicieuse, atroce et pleine de joie, que je mène depuis que j'ai eu l'honneur de faire votre connaissance. Vous l'avez oublié, si même vous l'avez jamais remarqué. Qu'étais-je, en effet? Un anonyme et banal admirateur, perdu dans la foule des autres, le jour où je fus admis à l'honneur de vous complimenter. Mais moi, qui venais de vous voir tourner, en chair et en os, une scène qui était bien votre triomphe, moi, qui venais de frémir à la vue de vos prouesses, moi, qui me sentais ravi, grisé, captivé à jamais par votre charme, je ne pus me résigner à ce rôle effacé. Auriez-vous écouté la déclaration trop rapide de cet inconnu que j'étais à vos yeux? Je suis sûr que non. Et pourtant l'impression était si forte que l'aveu me brûlait les lèvres. Il me fallait sans cesse votre présence, l'apaisement de votre voix, le charme de vos sourires. J'étais envoûté. Qu'auriez-vous fait à ma place? Je me serais suicidé, déclara plaisamment Calinette. J'ai essayé, puisque j'ai tenté d'égaler les exploits de Miss Perle, et vous avez survécu, constata celle-ci. On n'échappe pas si aisément à son destin. Mais vous avez maintenant l'explication du mystère. Vous ne direz plus que mes amis de Chicago, James Oldsilver est devenu fou, vous direz. Il est amoureux de vous, Miss Perle Rose. Parbleu! Voici une belle dédaigneuse qui s'imagine pouvoir tenir les amoureux à distance et faire la sourde oreille aux plus doux propos. Tout beau, ma jolie. Vous lui tendrez la main, oui, da. Il la baisera dévotement et vous sourirez d'un air langoureux. Voulez-vous parier que, quelque soir, vous tomberez dans ses bras, cachant votre front mutin contre son épaule et nouant autour de son cou le collier de vos bras blancs? Vous êtes jolie à croquer dans ce rôle, Miss Perle. Et nous avons joué cette scène ensemble, convenez-en, des dizaines de fois. Je vous ai obligé à m'entendre, mieux à faire semblant de m'aimer. À faire semblant, répéta lentement l'actrice. Et Calinette éclata de rire, tandis que le beau James poussait un gros soupir. « Miss Perle, supplia-t-il, je suis trop malheureux. Voulez-vous être ma femme ?» Elle aurait pu être touchée. Mais que font à Miss Perle Rose quelques milliards? Ne gagne-t-elle pas des sommes fabuleuses? Je ne vous aime pas, James. Essayez de m'aimer. Ce serait trop difficile. Et puis... Calinette, silencieuse depuis quelques minutes, jugea l'instant venu de rentrer en scène. Et puis, tu es romanesque, Perle. Dis-le-lui donc. Oui, monsieur James, je joue aussi les confidentes, vous savez. Eh bien, elle est aussi marteau que vous, votre Perle. Perle rêve d'aimer un héros. Mais là, un vrai héros, qui braverait la mort pour l'amour d'elle, ou bien qui accomplirait de grandes choses, des actions d'éclat. Est-ce que je n'en accomplis pas tous les jours? Protesta l'infortuné James. C'est du convenu, mon vieux. Vous savez bien que non, Calinette. Mon plongeon avec l'automobile, l'autre semaine, n'était pas truqué. J'aurais pu rester au fond. C'est courant quand on fait du ciné. Personne n'y prête attention. C'est pas ça que Perle souhaite. Ce qu'elle voudrait, c'est... Calinette chercha, sans trouver. Et tout à coup, James comprit. Du vrai. Qu'il ne soit pas mêlé à du faux, prononça-t-il. Entre les portants d'un théâtre, entre les ficelles du ciné, tout doit être, tout paraît, factice, On ne peut plus distinguer ce qui ne l'est pas. » Lisper l'approuvait d'un hochement de tête. « C'est cela, vous y êtes. » Atterré parce qu'il voyait à quel point il s'était fourvoyé en croyant, mêlé à sa vie, acteur comme elle, se rapprocher du cœur de l'actrice, James dit doucement « Il est temps encore. Voulez-vous quitter tout cela, rentrer dans la vie, Perle? Laissez-moi tenter d'être celui qui fera votre bonheur. Il est trop tard. » L'angoisse de l'irréparable étreignit le cœur du jeune homme. Il l'aimait tellement, cette Perle mignonne. « Trop tard? Pourquoi ? » demanda-t-il d'une voix qui tremblait. Parce que nous avons trop joué ensemble, mon pauvre ami, trop et trop longtemps. Chaque mot que vous diriez, chaque geste me rappellerait une de nos scènes, comprenez-vous ? » Il comprenait. Ah, comme il maudissait son idée, l'idée dont il avait été si fier. Pourtant, bredouillait-il d'un air malheureux. Gentiment, Miss Perle lui prit la main. Il faut en rester là et oublier cette folie. Il s'arracha à l'amicale étreinte. Non ! Éclata-t-il. « Presque violemment. Je ne peux pas, je vous aime trop. Et je continuerai à vous le dire. Il me restera au moins cela. Le mirage, l'illusion. À demain, à toujours. » Et il sortit. « Vous feriez mieux de devenir un héros pour de bon !» cria l'ironique Calinette. Mais Miss Perle dit tout simplement « Pauvre garçon !» Il s'était jeté dans son auto, déprimé, désemparé. À son exaltation succédait l'affaissement. Aucun projet... Aucune ligne de conduite n'existait plus. Il se sentait sans volonté. « Je ferai mieux, oh oui, je ferai mieux, » grommelait-il. Il n'achevait pas, parce qu'il ne voyait vraiment pas ce qu'il pouvait faire. Une seule pensée emplissait maintenant son cerveau, la haine du métier qu'il avait adopté, une rancune contre sa vie actuelle qui aboutissait à cette catastrophe. Un nom implacable tombait des lèvres de Miss Perle Rose. Aussi, quand à peine rentré chez lui, il lui saisit le récepteur du téléphone dont la sonnerie l'appelait, sa mauvaise humeur éclata en bourrasque, apostrophant l'interlocuteur invisible. « Une affaire, un rôle, à vous tomber à pic. Non, non, 100 fois non, plus de ciné, je ne tourne plus, je ne joue plus. » Il raccrocha le récepteur et se jeta sur un divan, sourd aux appels du timbre, qui s'obstinait. Le silence s'établit enfin et James Oldsilver put s'assoupir. Le sommeil est la ressource des grands chagrins. Par exemple, celui qui finit par s'emparer de Beau James fut rempli de cauchemars. L'infortuné soupirant croyait entendre la voix de Miss Perle l'appeler. « James, cher James, au secours !» Ces mots, à un certain moment, traversèrent son sommeil avec la netteté de la réalité. Ils furent suivis d'un cri étouffé, puis d'une sorte de ricanement satanique qui retentit longuement à l'oreille de l'acteur, milliardaire et l'éveillant en sursaut. « Qu'arrive-t-il ? » s'exclama-t-il en promenant autour de lui des regards effarés. Il se vit couché sur son divan et murmura « C'est un rêve !» Mais au même instant, il fit une constatation étrange. L'un des récepteurs de l'appareil téléphonique posé sur une table, à proximité, avait glissé sur le coussin, de sorte que le jeune homme dormait l'oreille contre le récepteur. « Diable ! Mais alors cette sonnerie, ces appels, ce cri, ce ricanement qu'il avait entendu, était-ce bien un cauchemar ?» Perle m'a-t-elle vraiment appelé ? Court-elle un danger ? En cette hypothèse, il eût peut-être dû s'étonner davantage de l'étranger hasard qui avait amené contre son oreille le récepteur. Mais, trop inquiet, il éprouva seulement le besoin d'être rassuré sans tarder. Reprenant le téléphone, il demanda le numéro de l'actrice et l'obtint aussitôt, sans en être plus avancé car personne ne lui répondit. Il se pouvait qu'il fût sorti et les domestiques aussi. Mais déjà, cette explication ne suffisait plus à James. « Tant pis, je vais aux nouvelles, » décida-t-il. « Certainement, elle me rira au nez et me jugera ridicule. Tant pis. » Quelques instants plus tard, il montait en auto et poussait une exclamation de surprise, point de frayeur, en trouvant, installés, deux inconnus qui l'obligèrent à s'asseoir. « Soyez calme, James Oldsilver. Il est tout à fait inutile de causer du scandale. » James Oldsilver n'était pas autrement ému. Peut-être, à son insu, l'habitude de jouer des scénarios dramatiques influait-elle sur ses attitudes. Elle l'empêchait de prendre au sérieux la réalité, et malgré lui, dans les circonstances de la vie réelle, il se comportait comme il le fait devant l'appareil. Il regarda froidement les individus entre lesquels il était assis. Ils étaient vêtus avec correction, presque avec élégance, selon la fortune des gentlemen cambrioleurs, si fort à la mode dans les pièces et romans policiers. « Oh, littérature !» pensait-il. « Voilà bien ton influence. C'est quand dit Chenapan répète au naturel une scène qu'ils ont vue au cinéma. C'est ma faute, ma très grande faute. Il est donc juste que je paye. Et il demanda avec philosophie, combien ? Ses deux compagnons, qui naturellement étaient masqués, le fixèrent avec curiosité. Leurs yeux brillaient ironiquement à travers les trous du masque. James Oldsilver sentit leur moquerie et s'énerva. « Je vous demande quelle somme je dois vous verser pour recouvrer ma liberté de mouvement, » insista-t-il. « Je suis prêt à vous signer un chèque. »« Inutile, » répondit laconiquement l'un des masques. « Comment inutile ?» s'ébahit le beau James. « N'est-ce donc point mon argent que vous en voulez ?»« Pas du tout. »« À quoi alors ?»« Vous l'apprendrez tout à l'heure. » L'acteur milliardaire fit effort pour ne pas se fâcher. « Mon ami, » dit-il doucement, « vous êtes parfaitement stupide. » La petite plaisanterie à laquelle vous êtes en train de vous livrer est combinée de façon enfantine. Si vous n'étiez tombé sur le bon garçon que je suis, fort indulgent aux erreurs d'autrui, elle aurait déjà fini très mal. Songez qu'il me suffirait de pousser un cri pour que mon chauffeur stoppe et appelle des policemen. Ce serait tant pis, non pour vous, mais pour quelqu'un qui vous intéressait, répondit brutalement le bandit. James Oldsilver pâlit tout à coup. De qui voulez-vous parler ? Questionna-t-il d'une voix étranglée. « Vous ne tarderez pas à l'apprendre, si vous consentez à nous accompagner bien gentiment. Au cas contraire, tant pis. » L'homme prononça ces derniers mots avec une énergie qui fit tressaillir l'amoureux de Miss Pearl. « Je ne ferai aucune résistance, » déclara-t-il d'une voix un peu tremblante. Car l'idée venait de se présenter à son esprit que l'aventure était en corrélation étroite avec l'appel de l'actrice. Il ne doutait plus d'avoir réellement entendu sa voix. Elle avait appelé à son secours, et c'était à elle que venait de faire allusion l'individu masqué. James ruminait ses pensées, et comme la conclusion en était que Miss Pearl Rose courait un danger quelconque, il avait hâte d'arriver. L'auto filait à toute allure, suivant un itinéraire qui n'était pas du tout celui que James avait fait indiquer à son chauffeur avant de monter dans la voiture. Cette constatation lui donna à penser. Darker est donc leur complice ? Se demanda-t-il. Ou bien l'ont-ils supprimé pour les substituer à un de leurs hommes ? Ma parole, je crois rêver. Une telle machination suppose l'existence d'une association de malfaiteurs comme il n'en existe que dans nos scénarios. Et Miss Pearl, qui niait que nous puissions encore éprouver des émotions véritables ? Pensa-t-il mélancoliquement. N'a-t-elle pas changé d'opinion à cette heure ? Sans ralentir, l'auto venait de virer brusquement et de franchir une grille qui se referma après son passage. Le chauffeur stoppa et James, poussé hors de la portière, se trouva sur la dernière marche d'un perron. Il eut à peine le temps de jeter un regard autour de lui. Ses compagnons l'avaient saisi chacun par un bras et l'entraînaient. Ils pénétrèrent dans une pièce tendue de draperie noire et presque plongée dans les ténèbres. Projeté en avant, l'acteur heurta un meuble, trébucha, tourna sur lui-même et finalement tomba assis dans une sorte de fauteuil vers lequel l'avaient dirigé ses gardiens. Aussitôt, il entendit une série de déclics et sentit ses bras et ses jambes immobilisés par des bracelets métalliques qui les fixèrent aux appuis et aux pieds de son siège. En même temps, son cou était emprisonné dans un carcan et des courroies, sanglant son buste, l'appliquaient contre le dossier. Alors la lumière jaillit et le beau James, aussi étroitement garrotté qu'un condamné à mort, se vit installé sur un trône qui ressemblait à un fauteuil électrocuteur. « Bigre, » pensa-t-il simplement. Voilà une bizarre réception et de singuliers préparatifs. À son insu, c'était l'acteur qui parlait et qui conservait cet admirable sang-froid. Un homme ordinaire, moins entraîné au fantastique et à l'invraisemblable, fut mort d'effroi, ou eut éclaté de rire, n'admettant point qu'une si absurde aventure pût être réelle. Cela ressemblait par trop à ce qu'on voit au cinéma. Les deux gentlemen s'étaient éclipsés. James devait être seul. Mais le carcan l'empêchait de tourner la tête et il ignorait ce qui se passait derrière lui. Quelques minutes s'écoulèrent, plutôt longues. Enfin, un pas glissa sur le tapis et une silhouette se dressa devant le beau James qui, de surprise, écarquillait les yeux. Le nouveau venu était un colosse roux, vêtu à peu près comme tout le monde, mais qui portait un masque dont les trous laissaient uniquement apparaître deux yeux de braise. « Le masque aux yeux rouges !» pensa involontairement James Oldsilver, influencé par ses souvenirs professionnels. Et il ajouta, avec un frisson de répulsion, « Il n'est ni beau ni sympathique. » Le colosse poussa un affreux ricanement qui bouleversa James. Le ricanement du téléphone. Il le reconnaissait. Son cauchemar, mais il était maintenant certain que ce n'avait point été un cauchemar, lui avait laissé des souvenirs si précis qu'ils s'imposaient à lui. « James Oldsilver, n'est-ce pas ?» prononça le singulier personnage d'une voix sourde. « Enchanté. Il y a déjà quelque temps que je désirais faire votre connaissance. « Que me voulez-vous ? » demanda le jeune milliardaire d'une voix qui n'était peut-être pas aussi calme qu'il le souhaitait. « Je vous le dirai tout à l'heure. Comment va Miss Pearl Rose ?»« Je pense que vous allez me l'apprendre, » bégayait l'acteur. « Peut-être. Vous vous intéressez donc bien à elle, James Oldsilver. Vous vous y intéressez passionnément. » Le double regard rouge pénétrait en James comme deux poignards. Il semblait vouloir fouiller sa poitrine et chercher son cœur. « Vous l'aimez, hein ? Allons, avouez cela si vous n'êtes pas un lâche. Vous l'aimez ? Oui, je l'aime. » Ce fut prononcé sur un ton de défi, car l'accent et le regard ne permettaient pas à James de douter qu'il avait en face de lui un rival. « Est-il drôle ? » ricana le colosse. « Est-il drôle, ce cher Oldsilver ? Véritablement impayable. Sa réputation n'est point surfaite. Ne vous impatientez pas, mon garçon. Vous serez toujours renseigné assez tôt. « Oh oui, bien assez tôt, pour le plaisir que cela vous causera. Je ne vous veux pas précisément du bien, vous vous en doutez. J'éprouve peu de sympathie pour les jeunes gens bien tournés qui s'avisent d'aimer Miss Pearl. C'est que je n'aime pas la concurrence, je la supprime. » Il accompagna ces mots d'un geste peu rassurant. « J'ai donc projeté de vous supprimer, James Oldsilver. Mais auparavant, je compte m'amuser un peu avec vous. Je sais comment on torture un amoureux. » Et saisissant la draperie qui faisait face au fauteuil, il l'écarta, découvrant un écran. « Tu dois reconnaître cela, toi qui fais du cinéma » ricana-t-il. « Plains-toi, on va projeter, pour toi tout seul, un film qui me coûte déjà plus de 100 000 $. Aujourd'hui, James Oldsilver, il faut te contenter d'être spectateur. » Il siffla, et aussitôt du noir enveloppa le jeune milliardaire dont les yeux, agrandis par l'anxiété, fixèrent l'écran blanc qui s'illuminait. Et ce qu'il voyait apparaître, c'était le boudoir de Miss Pearl, tel qu'il l'avait quitté une douzaine d'heures auparavant. Peu après le départ de James Oldsilver, deux hommes descendus d'une auto devant la porte de Miss Pearl Rose avaient demandé à être introduits auprès de l'actrice. « Madame ne reçoit pas, » répondit la camériste. Il toisa avec un mépris assez peu dissimulé les importuns dont l'aspect ne lui disait rien qui vaille. On ne pouvait imaginer de silhouette plus dissemblable. L'un était grand et gros, colossal, et se drapait dans un manteau de roulier, dont le collet relevé cachait entièrement son visage. Il ne soufflait mot, ne risquait aucun geste, et faisait figure de simple comparse. L'autre était sa vivante opposition. Petit et mince, vif comme une anguille, il paraissait ne pouvoir se tenir en repos. Sans cesse il s'agitait, accompagnant ses moindres mots d'une mimique désordonnée, tandis que sa faible figure rasée grimaçait, se plissait, avec accompagnement de roulements d'yeux et de grincements de dents, qui le faisaient ressembler à une face de possédé. Il était vêtu d'un complet veston de couleur sombre, portait une lavalière noire, nouée à l'artiste, et montrait ostensiblement des mains squelettiques dont chaque doigt s'ornait de bagues étincelantes. « Madame ne reçoit pas, » répéta-t-il en jetant autour de lui des regards empreints d'une sombre fureur. « Vraiment, Miss Pearl ne reçoit pas. Et vous me dites cela à moi, à nous ? Oh, candeur ! Soubrette, mamie, tu es adorable !» Peu flatté par ces déclarations, proférées sur un ton burlesque, la camériste riposta sèchement. « Je réponds à monsieur comme je répondrais à n'importe qui. Madame a donné ordre de défendre sa porte. Cela concerne tout le monde. » Une joie sans borne parut s'emparer du petit homme. Il se trémoussa et délira. Comme n'importe qui, tout le monde, délicieux, invraisemblable. Puis redevenant tout à coup sérieux et fixant de nouveau la camériste, comme s'il avait dessein de la magnétiser, il dit sévèrement « Voilà, c'est que nous ne sommes pas n'importe qui, nous ne sommes pas tout le monde. » Fébrile, il fit jaillir d'une de ses poches avec des gestes de prestidigitateur, un bloc-notes et un stylographe, griffonna quelques lignes avec une hâte rageuse, arracha la feuille et la tendit à la femme de chambre. « Portez cela tout de suite à votre maîtresse, » ordonna-t-il d'un ton menaçant. Intimidé et croyant de plus en plus qu'il avait affaire à un fou, la camériste prit le papier. « Comme monsieur voudra, » fit-elle en haussant imperceptiblement les épaules. Elle disparut. Les deux visiteurs se regardèrent. « Ah ah !» ricana le petit. « Oh oh !» gloussa le second. « Ça commence bien !» Et leurs épaules furent secouées pendant quelques secondes par un rire qui paraissait inextinguible. Le retour de la camériste leur rendit instantanément leur sérieux. « Madame persiste à ne pas recevoir ces messieurs, » annonça-t-elle, à la fois triomphante et craintive. Mais, à sa grande surprise, ils reçurent cette communication avec une parfaite indifférence. « A-t-elle lu mon mot ?» demanda simplement le petit homme. « Non, » avoua la camériste. Madame n'y a point jeté les yeux. Elle a déclaré qu'elle n'y était pour personne et qu'aucun prétexte ne pourrait la faire changer d'avis. Elle s'attendait à une explosion de fureur tout au moins de la part de l'exubérant petit homme. Mais le déconcertant personnage ne broncha point, il paraissait tout à fait calmé. « All right !» dit-il en tournant les talons. « Au revoir, ma petite !» Et il se dirigea vers la porte suivi de son délicieux compagnon. « Ils sont partis, Mariette ?» demanda indolemment Miss Pearl en voyant la camériste accourir à son coup de timbre. « Ils sont partis, madame. Je crois que madame a bien fait de ne pas les recevoir. Ils avaient de drôles d'air. Sais-tu au moins ce qu'ils te voulaient ?» s'écria Calinette. « Peut-être assassiner madame ?» insinua tragiquement la camériste. Calinette éclata de rire. « Oh, Pearl, comme tu es méchant de m'avoir fait manquer ce spectacle-là » s'écria-t-elle en se contorsionnant sur les coussins du divan. « Tu m'agaces. »« Je ne suis pas en train de rire, » répliqua maussadement l'actrice. « Allez, Mariette, inutile de m'habiller. Je ne sortirai pas aujourd'hui. » Discrètement, la camériste se retirait, en feignant de ne pas entendre et de ne point percevoir le haussement d'épaule dépité de Miss Pearl. Celle-ci, pelotonnée au fond de son fauteuil, bâilla, ferma les yeux et murmura. « La vie est d'un banal. » « Ah, Calinette, tu verras comme tu t'ennuieras quand tu auras mon âge. Que pourrions-nous faire pour nous distraire ?» La fillette allait répondre, mais un cri étranglé, retentissant dans le vestibule, l'interrompit. « C'est la voix de Mariette, » fit Miss Pearl, en se redressant un peu émue. « Que lui arrive-t-il » « On la tue. Ce sont les bandits de tout à l'heure qui en reviennent, » plaisanta Calinette. « Toi qui demandais de l'imprévu. » Elle n'acheva pas. La portière se soulevait. Et deux personnages faisaient leur entrée, provoquant un sursaut de frayeur de Miss Pearl et une légère exclamation de l'imperturbable Calinette. « Oh !» murmura cette dernière. « Est-ce que par hasard j'aurais dit la vérité en riant ?» Elle en aurait été davantage persuadée si elle avait pu reconnaître les intrus qui n'étaient autres que le colosse mystérieux et le turbulent petit homme. Ils s'avancèrent vers Miss Pearl. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? » béguait celle-ci en se dressant effrayée. « Nous allons vous l'apprendre, » répondit le petit homme, en s'installant sans façon dans un fauteuil en face de l'actrice. Désinvolte, il croisa les jambes et déclara, comme si c'eût été la chose la plus naturelle du monde. « Nous avons dû pénétrer chez vous par effraction et étrangler quelque peu votre camériste. Vous nous excuserez. Nous avions une communication très sérieuse à vous faire et tout à l'heure vous avez refusé de nous recevoir. »« C'était vous ?» balbutia l'actrice. L'étrange visiteur s'inclina. « Quand on nous met à la porte, nous rentrons par la fenêtre, » dit-il froidement. « Vous plaît-il de nous entendre, Miss Pearl ?»« Nous pouvons causer en toute tranquillité et sans crainte d'être interrompus, car je me suis permis de remplacer vos domestiques par un personnel à moi, qui a ordre de défendre votre porte. Un peu mieux que votre femme de chambre nous l'a défendue contre nous. » Négligemment, il ajouta, « Nous ne regardons pas aux frais. Je vous demande pardon de vous importuner de ces détails de cuisine. » Mais ils sont destinés à vous faire comprendre que nous savons vouloir et qu'il vous sera bien difficile de faire la sourde oreille. » Miss Pearl n'y songeait guère, elle défaillait. « Je vous écoute, » murmura-t-elle en jetant un regard éploré à Calinette. Mais l'insupportable gamine était loin de partager cet effroi, dévisageant avec hardiesse le petit homme noir et le colosse qui venait de rejeter son manteau et de découvrir un visage masqué qui éclairait deux yeux flamboyants. Elle battit des mains et s'écria « « Tout à fait comme au cinéma. Chouette, ça va être amusant. » Elle avait probablement changé d'avis une heure plus tard. À ce moment, les deux actrices étaient seules dans le boudoir, seules en apparence, mais quelqu'un devait les surveiller et les menacer, car elles étaient pâles et tremblantes, et regardaient la porte avec des yeux terrifiés, comme si elles s'attendaient à quelque effroyable apparition. Derrière elles, silencieusement, parut le petit homme noir. Il jeta un long regard aux malheureuses, ne bougez pas. » Et poussant ce ricanement sardonique qui semblait lui être familier, il ajouta, en se frottant les mains, « Parfait, parfait, vous êtes admirable. » Il retourna à la seconde porte, à laquelle l'actrice et Calinette, immobilisées par la frayeur, tournaient le dos et firent un signe. « Entrez, entrez, Jim, installez-vous là. » Un nouvel individu se montra, portant un appareil cinématographique. C'était un tourneur, un opérateur. Il s'empressa de disposer son appareil sans paraître prêter la moindre attention à l'attitude des deux femmes. Au plafond, une lampe à arc s'alluma. « Allez-y !» cria le petit homme. Au même moment, Calinette, qui n'avait d'yeux que pour l'appareil téléphonique, posé sur une table, profitait de l'inattention du petit homme pour saisir le transmetteur et le passer à Miss Perle. « James, appelle James !» chuchota-t-elle. C'était cette scène que l'acteur milliardaire, terrifié, voyait se dérouler sur l'écran. Miss Perle recevait des mains de Calinette l'appareil téléphonique et l'approchait de ses lèvres. Il la voyait pousser le cri d'appel qu'il avait entendu pendant son sommeil. Mais aussitôt, de nouveaux personnages se précipitaient sur les malheureuses et parmi eux, au premier rang, ricanant et satanique, le masque aux yeux rouges. Angoissant spectacle. Pourtant, il en avait 100 fois contemplé de semblables. 100 fois, il s'était trouvé mêlé à des épisodes de ce genre, sans s'émouvoir. Aujourd'hui, c'était la réalité. Et cette pensée lui fit faire un effort surhumain pour rompre ce lien. Tentative insensée. S'il avait réussi à les rompre, il se serait élancé sur un écran. Brusquement, la projection s'interrompit, la vision disparut, et James se retrouva plongé dans les ténèbres. La lumière jaillit au commandement du masque aux yeux rouges éclaira ses traits bouleversés. Son bourreau le fixait en ricanant. « Tu voudrais bien savoir, » râla-t-il. « Avoue-le, James Oldsilver. Tu donnerais une bonne partie de ta vie pour voir la fin du film. Mais je connais mon métier aussi bien que toi. Et autant que toi, je suis homme de théâtre. Vois si j'ai bien choisi mon moment pour baisser le rideau. Sur quel effet il tombe ?» L'acteur milliardaire le fixa terriblement. « Je vous tuerai. » prononça-t-il. « Bravo, je t'autorise à essayer. Et je suis heureux que tu sois assez fou pour y songer. Autrement, la vie ne m'amuserait plus. Bonne chance, James Oldsilver. Je ne dois pas te dissimuler que tu auras du mal et qu'il te faudra fameusement courir. » Il se pencha pour éprouver la solidité des liens du prisonnier et après les avoir tripotés pendant quelques instants, poussa un nouveau ricanement. « Bonne chance, » répéta-t-il narquoisement. « Je te souhaite du plaisir. » Et il disparut derrière le rideau noir qu'il fit retomber sur l'écran. James Oldsilver demeura seul. Il s'en rendit compte au silence subi et total qui l'entourait. Tout d'abord, il demeura prostré dans le fauteuil auquel il était attaché. « Il a eu raison de me railler, » pensait-il. « Que puis-je faire ? Ah, Miss Perle, comme vous aviez le droit de vous moquer du cabot que je suis. Comme me voilà petit garçon en présence de la réalité. » Soudain, son regard, attiré par un point brillant qui remuait, s'abaissa vers le paquet. Il tressaillit. « Oh » fit-il, « mais le voilà le dénouement !» Il s'avançait, sournois et impitoyable, à la façon des traîtres de mélodrame, sous la forme de petites flammes bleues et jaunes, jaillies du parquet tout autour du fauteuil. Elles entouraient l'acteur d'un cercle de feu qui se rétrécissait de plus en plus. Il comprit. C'était vraiment une mort effroyable que celle à laquelle le vouait son rival. Tant de haine l'effara. Il est bien inutile que j'essaye de me détacher, soupira-t-il. Ce n'est qu'au cinéma que le héros y parvient. Cette fois, ce n'est pas un camarade qui a fait les nœuds. Il dit, et en même temps, il fit des efforts involontaires, ceux-là même qu'il avait l'habitude de faire lorsque ses rôles le plaçaient dans des situations analogues. Alors, il poussa une exclamation stupéfaite. Mais c'est une plaisanterie. On dirait que je ne suis pas attaché. Emplissant d'air sa poitrine, il en fit saillir tous les muscles et se roidit, pour donner plus de jeu aux cordes et aux courroies qui enserraient ses membres et son buste. Le résultat escompté fut atteint instantanément. Il sentit mollir la pression des liens et put remuer ses avant-bras. Mais au moment où il les ramenait lentement en arrière pour les dégager, il sentit au poignet droit une légère résistance qui lui fit porter instinctivement les yeux dans cette direction. Aussitôt, il s'immobilisa. C'était sûr, murmura-t-il, et son regard se posa sur une fine cordelette qui encerclait son poignet et remontait, tendue le long de son bras, pour disparaître derrière son épaule. Où aboutissait-elle? à quoi le rattachait-elle ? Il lui était impossible de le voir, par suite de l'emprisonnement de son cou dans le carcan. Mais, de toute évidence, ce dispositif annonçait quelque perfidie de son ennemi. En tirant le fil, James déclencherait sans doute quelque infernal mécanisme. Il se trouvait avoir fait lui-même le geste qui causerait sa perte. C'est à cela qu'il veut m'obliger, peut-être, espère-t-il, caché dans quelque coin, se repaître du spectacle de mon indécision, pensa James Oldsilver. Je le prierai tout au moins de cette joie. Et résolument, il tira à lui le fil. Quelque chose de blanc courut le long de son bras, descendant de son épaule. Cela s'arrêta à portée de sa main droite. C'était un billet. James n'hésita plus, il dégagea son bras et s'empara du papier qu'il déplia et déchiffra aussitôt. Il contenait ces deux lignes plutôt railleuses. « Jobard, tu as marché. T'imagines-tu que je veuille en finir si vite avec toi ? Je n'en aurai pas pour mon argent. Le drame continue. Lève-toi, cours, et attrape-nous si tu le peux. » Le masque aux yeux rouges. Assez mortifié, James bondit. Carcan et liens tombèrent à ses pieds. Un tapis de flammes le séparait de la porte. Mais il pouvait le franchir en trois bonds, et quelques brûlures n'étaient pas pour l'arrêter. Il s'élança. À peine les eut-il effleurés que les flammes s'éteignirent. Comme les liens, elles n'étaient qu'un trompe-l'œil, un truc de cinéma auquel l'acteur s'était laissé prendre. Son irritation augmenta. Ah ça ! Est-ce qu'il va longtemps se moquer de moi comme cela ? Maugréa-t-il. J'étais prêt à braver la haine d'un meurtrier, mais il me déplaît d'être en but aux facéties d'un mystificateur. Je n'aime pas à être ridicule. Puis, aussitôt, sa préoccupation dominante revint reléguer à l'arrière-plan cette blessure d'amour-propre. Mais Perle, qu'en a-t-il fait ? Ce ne peut être une mystification, cela. Le souvenir de l'effroi peint sur le visage de la jeune femme l'aiguillonna. Il se précipita vers la porte qu'il franchit. Il faut savoir. Je veux les rejoindre. Oh, si vraiment il est ce qu'il paraît être, s'il a osé cela, je lui ferai regretter de m'avoir rendu la liberté. Et sans penser que l'homme dont il parlait venait de prouver sa force et que lui, James Oldsilver, n'avait été et ne pouvait être qu'un jouet entre ses mains, le jeune homme s'élança hors de la pièce. 20 minutes plus tard, sans avoir rencontré le moindre obstacle, il arrivait devant la porte de l'actrice. Elle était grande ouverte. Une violente émotion étreignit James. Il courut comme un fou à travers les pièces vides et arriva dans le boudoir. Le puissant projecteur, hâtivement installé, éclairait le décor. James Oldsilver s'étonna à peine de leur présence. Il en connaissait trop l'usage pour ne pas deviner à quoi ils avaient servi. C'était à de semblables appareils qu'on demandait journellement, dans les studios, la lumière artificielle nécessaire au fonctionnement des cinématographes. Or, dans ce boudoir, on avait tourné un film. Le film dont le masque aux yeux rouges s'était servi pour torturer l'amoureux de Miss Perle Rose. Pressés de disparaître, les opérateurs avaient négligé d'enlever leur installation. James ne s'en préoccupa point davantage. Il fit quelques pas, tragiquement, classiquement. Ah, comme Miss Perle avait raison de dire qu'en lui l'acteur masquerait toujours l'homme, quelle que fût la sincérité des émotions ressenties. Le beau James, inconsciemment, jouait son désespoir et son angoisse. Il mettait au service de sa douleur les admirables moyens d'expression que son talent lui fournissait, et c'était, sous la clarté des projecteurs, un spectacle fort impressionnant que celui de cet amoureux, demandant aux murailles de lui raconter le drame dont elles avaient été le témoin muet. Il fit quelques pas et s'arrêta soudain, les jambes fléchissantes, reculant peu à peu jusqu'à l'un des murs contre lequel il dut s'adosser. Sa main remonta jusqu'à son front qui se couvrait de sueur. D'un geste machinal, il les promena, tandis que ses yeux, devenus hagards, fixaient sur la tenture qui lui faisait face une effrayante vision. C'était une empreinte sanglante qui se détachait sur le fond clair de la tapisserie et y dessinait très nettement une main délicate de femme, la paume, les 5 doigts et jusqu'au cercle des bagues. Les cheveux de l'acteur se dressèrent sur sa tête. Comment méconnaître cette main ? En existait-il une autre, d'un modèle aussi parfait, d'une finesse aussi élégante ? Les bagues, d'ailleurs, auraient suffi à l'identifier tant leur profil était familier au jeune milliardaire. Ce trait mince qui coupait le médius, c'était le fil d'or du rubis de Miss Perle. Et James reconnaissait encore les contorsions du serpent aux yeux de topaze, au-dessus duquel des signes bizarres qu'il déchiffrait décelait la bague préférée, formée de chiffres d'or rassemblés, dont le total réalisait un nombre fétiche. Son hébétement dura quelques secondes, il se répétait seulement, avec une monotonie stupide. Le sang de perles, c'est peut-être du sang de perles. L'horreur pénétrait en lui, et la sensation devint si intolérable qu'un brusque sursaut l'arracha de la muraille contre laquelle il paraissait collé. Plaquant ses mains sur son visage, il poussa un véritable hurlement et s'enfuit à la façon des démons en se heurtant aux meubles et aux parois. « Perle, perle !» Il surgit hors de la demeure et, emporté par son élan, alla donner contre un individu stationnant sur le trottoir. Aimablement, celui-ci l'aida à rétablir son équilibre. « Pardon !» bredouilla l'acteur, fébrile. « Pas de quoi !» répondit le bousculé. « Autant dire que j'étais là pour ça !» En face de l'immeuble, il y avait des groupes arrêtés et même quelques autos, mais James ne leur accorda aucune attention. L'inconnu le questionnait. « Alors c'est vous l'amoureux ?» James Oldsilver sursauta et considéra le questionneur avec effarement. « Que voulez-vous dire ? » s'exclama-t-il. « Comment avez-vous deviné ?»« Pas malin !» riposta l'inconnu en haussant les épaules. « Il suffit de vous regarder !» James n'avait pas le temps de s'étonner, encore moins celui de s'émerveiller. Il tenta de se dégager de l'étreinte du cuidam qui n'avait pas lâché son bras. « Laissez-moi passer !» pria-t-il. « Je suis pressé !»« Où irez-vous » demanda l'homme avec un évident mépris. « Le savez-vous seulement ?» James resta bouche bée. « Au fait, murmura-t-il, vous avez raison. » Et il parut désemparé. L'inconnu sourit. Puis, regardant l'acteur bien en face, « En somme, vous voulez les poursuivre ?»« Poursuivre qui ?» bégaya James, tout à fait interloqué par cet étrange pouvoir divinateur. « Ne faites pas l'enfant, nous n'avons pas le temps. » Et le singulier personnage tira sa montre. « Moins cinq, dit-il. Nous pouvons perdre 5 minutes. Allons-y. Écoutez, jeune homme, et tâchez de ne pas m'interrompre, cela ne ferait qu'embrouiller les choses. » Précipitamment, tout en surveillant la course de l'aiguille, il débita. « Vous vous nommez James Oldsilver, partenaire habituel de Miss Perle Rose et, j'admets cette hypothèse, vraisemblablement amoureux d'elle. Vous n'êtes pas le seul. Bruscon, elle a été enlevée il y a exactement 1 heure. Je vous attendais. « Comment savez-vous ? Qui êtes-vous ? » L'inconnu tira une carte de sa poche. « Voilà, » dit-il en la présentant à James. Celui-ci lut à haute voix, avec une stupeur profonde, « Charlie H. Jingle, détective. » « Par exemple, » murmura-t-il. Il examina son interlocuteur avec un compréhensible effarement. L'aspect de ce dernier n'était pas fort reluisant et en temps ordinaire, James eut hésité à se laisser interviewer par lui. C'était un long et mince individu, vêtu d'un complet étriqué et coiffé d'un chapeau antédiluvien, le tout décelant une certaine fantaisie, tant au point de vue de la coupe que de la couleur. En fait, le personnage visait évidemment à réaliser un type, une tête, comme on dit au théâtre. L'excentricité de sa mise et de ses manières était voulue. « Tout à fait la tête de quelqu'un qui va jouer dans un film, » pensa involontairement James. « Mais où diantre ai-je vu cette binette-là » Ses pensées ne firent que traverser son esprit. Il revint tout de suite à l'unique objet de ses préoccupations. « Comment êtes-vous là ? Qui vous a fait deviner ? » s'ébahit-il. Charlie H. Jingle éclata de rire. « Aucune importance pour l'instant, » répliqua-t-il. « Mystère, vous aurez le mot plus tard. Mettons que je sois à l'affût de l'affaire intéressante. Passez à propos. J'offre mes services. Venez. » De nouveau, il saisit le bras du jeune homme. James résista. « Pas avant de comprendre. » décida-t-il nettement. « Vous m'intriguez. Ce n'est pas suffisant pour m'inspirer confiance. Où m'entraîneriez-vous ? » L'étrange détective fit pirouetter James, lui plaqua sa main entre les épaules et lui présenta un carré de papier qu'il cueillit dans le dos du jeune homme. « Vous déclarerez-vous satisfait ? » demanda-t-il. D'un côté, le papier était enduit de colle et des fils de laine y adhéraient. James le retourna et découvrit de lignes griffonnées. « On nous emmène. » « Suivez la piste que je marque. » C'était signé Calinette, mais cela n'expliquait pas que le nommé Jingle fût au courant, comme il paraissait l'être. « Où avez-vous déniché cela ? » demanda James en le fixant avec une attention soupçonneuse. Jingle regarda sa montre, un homme bien près de perdre patience. « 3 minutes, Montre en main, annonça-t-il. Après, si vous ne marchez pas, je vous emporte de force. Le billet était collé dans votre dos. Comment y était-il venu? Tout seul. C'est trop fort, s'exclama James. Intéressé malgré tout, disons même passionné par les étranges façons du prétendu détective, il s'attacha à ses pas. Car Jingle, sans mot dire, rentrait dans la maison et ne s'arrêtait que dans le boudoir qu'il inventoriait d'un prompt coup d'œil. Sa main se tendit vers l'empreinte sanglante. « Cela, dit-il, fichu un fameux coup, hein ? Jambe coupée. Obligé de chercher l'appui du mur. Ici. » Il désigna l'endroit où James s'était effectivement appuyé. « Le papier était là, épinglé. Voici l'épingle. » Il la ramassa par terre. « Voici le trou. » Il le montra, visible sur la tapisserie. « Compris, Cole. Vous l'avez emporté sans vous en douter. L'auriez trouvé ce soir, en vous déshabillant. La jeune personne y comptait. Une gamine de tête. L'autre ne s'attendait pas à celle-là, en préparant son tour. « L'autre ?» balbutia James, complètement ahuri. « Oui, le rival. Comment l'appelez-vous »« Le masque aux yeux rouges ?» répondit machinalement le jeune homme, complètement subjugué et oubliant de s'étonner. Jingle bondit et montra tout à coup un émoi extraordinaire. « Vous avez dit ?» hurla-t-il. « Il a des yeux rouges, sûr ? Je l'ai vu. » Le détective fit un visible effort pour reprendre son flegme habituel. « Plus un mot, j'en sais assez, venez. » Il s'empara irrésistiblement des bras de l'acteur et l'entraîna. Dans le vestibule, il s'arrêta et siffla. Un boy parut aussitôt, porteur de deux lourdes valises. « Vite, mettez cela !» ordonna Jingle en lançant à la volée des vêtements à James. Lui-même se mit fébrilement à changer de costume. « Pourquoi ?» demanda l'amoureux de Pearl tout en obéissant. Sans répondre, Jingle lui colla sur le visage une superbe paire de moustaches et une impressionnante barbe blonde. 6 coups de crayon, une touche de fard et le beau James devint méconnaissable. Stupide, il regarda son compagnon transformé en un élégant touriste. Celui-ci le poussa hors de l'immeuble vers une automobile qui s'arrêtait justement devant la porte. « Il était temps, » marmotta-t-il en jetant un nouveau coup d'œil à son chronomètre. « Montez !» James hésita. « Où allons-nous ? » « Nous les suivons, la piste de la jeune Calinette. Vous l'avez donc trouvée, êtes-vous sûr ?» Impatiemment, M. Jingle ramena James devant la porte et l'obligea à se baisser. « Regardez, » fulmina-t-il, « êtes-vous aveugle ?» Sur le trottoir, tracé par un talon obstiné, une flèche indiquait une direction, et c'était celle que s'apprêtait à prendre l'auto. Convaincu que son compagnon ne se lançait point au hasard, James monta. « Tout de même !» soupira M. Jingle en prenant place près de lui. « Ce n'est pas malheureux. Un cigare, M. Oldsilver ? Nous avons 20 minutes pour souffler, jusqu'au premier arrêt. Mais surtout, ne me posez pas de questions idiotes. Je n'y répondrai pas. Assez comme cela. Assez pour l'instant. J'ai besoin de repos. » Subissant l'ascendant de son étrange compagnon, James Oldsilver demeura quelques secondes sans parler. Il réfléchissait à la bizarre rencontre et aux plus extraordinaires façons de ce fantastique détective, si clairvoyant et si sûr de lui. Rencontre providentielle, en tout cas. James était bien décidé à en profiter et à s'accommoder des manies de son tyrannique compagnon. Néanmoins, trop de questions lui brûlaient les lèvres pour qu'il se résignât longtemps au silence, et l'auto n'avait pas encore parcouru 500 mètres qu'il ne put se tenir de reprendre le dialogue interrompu. « Comment vous êtes-vous trouvé là si à propos ?» demanda-t-il. « Étiez-vous arrivé depuis longtemps ? Est-ce le hasard qui vous a fait vous arrêter ? Ou bien avez-vous remarqué quelque chose de suspect ? Et d'où me connaissez-vous ? D'où connaissez-vous Miss Pearl Rose ? J'avoue que vous me paraissez quelque peu sorcier. Expliquez-moi. » « Tout à l'heure, » coupa nonchalamment C.H. Jingle en tirant une bouffée de son cigare. James voulut insister, mais le détective lui mit familièrement la main sur la bouche. « Fermez ça, hein ? Vous n'allez pas me raser, mon vieux, c'est la pause. » James Oldsilver le considéra avec stupéfaction. « Mais la piste, » grommela-t-il en dissimulant son agacement, « vous ne prétendez pas la suivre les yeux fermés. » Car il constatait que son compagnon se désintéressait totalement de l'itinéraire suivi par l'auto. « Pourquoi pas ? » riposta M. Jingle en ricanant. « C'est une méthode qui en vaut une autre. » Et il conclut, en repoussant d'un geste de sa main l'assaut des questions indiscrètes de James Oldsilver, « Tout à l'heure, vous dis-je, tout à l'heure. » Et n'en pouvant tirer autre chose, James dut se résigner à ronger son frein. En trombe, la voiture arrivait à la hauteur d'une sorte d'auberge, devant laquelle se tenait un individu qui agitait un morceau de soie rose. « Stop !» vociféra M. Jingle en se dressant sur ses jambes. Le mécanicien fit jouer ses freins et la voiture s'arrêta brusquement. Ouvrant précipitamment la portière, M. Jingle bondit hors de l'auto comme un diable jaillissant d'une boîte et courut à l'homme avec lequel il entama un colloque animé. Il avait pris des mains le morceau de soie et l'examinait avec solennité. Presque aussitôt, il fit un geste et l'individu, sautant sur une motocyclette, se lança sur la route et disparut. James n'avait pu y tenir. À son tour, il était descendu de voiture pour s'approcher du détective. Celui-ci se tourna vers lui et, tragiquement, lui présenta le morceau de soie. « Un fragment du voile de Miss Pearl !» annonça-t-il d'une voix théâtrale. Il étudia la physionomie de James, qui tressaillait et se saisissait du précieux tissu. Discrètement, Jingle se détourna, tandis que l'amoureux portait à ses lèvres le fragment de voile. Une expression de pitié apparut sur le trait de M. Jingle. Il posa sa main sur l'épaule du jeune homme. « Venez !» dit-il. Il ne l'emmena pas loin, seulement à quelques pas de là, près d'une table installée sous une tonnelle. « Le moment est venu de vous révéler la vérité, » commença-t-il sans préambule. « Faites appel à tout votre courage. » Naturellement, ces paroles eurent pour résultat immédiat de faire pâlir le pauvre James, dont tout le corps se mit à trembler. Il voulut questionner, mais aucun son ne parvint à sortir de ses lèvres. M. Jingle lui avait pris les mains et les serrait entre les siennes. Il obligea doucement James à s'asseoir. Lui-même prit le siège voisin. « Je sais qui a enlevé Miss Pearl, » reprit-il. Puis, sans transition, « elle est au pouvoir d'un fou. »« D'un fou ?» cria James, dont les cheveux se dressèrent d'horreur sur le crâne. « Oui, » poursuivit lentement M. Jingle, « d'un fou. » D'un fou véritable. Et non point d'un de ces demi-démons, d'un de ces esprits faibles ou détraqués comme il en fourmille dans notre société. Celui dont il s'agit est un fou authentique, catalogué dangereux, et pour tout dire, en rupture de cabanon. Est-il possible ? Gémit James en proie à une émotion violente. Il était tellement bouleversé qu'il ne songeait pas à se demander par quel miracle M. Jingle, qui ne l'avait pas quitté depuis la rencontre et paraissait être demeuré inactif, se trouvait maintenant à même de lui donner cette précision. Le détective, d'ailleurs, lui fournit aussitôt la réponse à cette question à formuler. Vous m'avez vous-même mis sur la voie lorsque vous m'avez dépeint le masque aux yeux rouges. Cette appellation, qui est tout un portrait, ne pouvait s'appliquer qu'à un seul individu que, précisément, je suis chargé de rechercher. Big Johnson, un marchand de porc millionnaire, que l'abus de l'alcool a rendu fou et en qui la folie a éveillé des instincts de brute perverse. En fait, Big Johnson s'imagine avoir vendu son âme au diable, lequel s'est, en échange, engagé à se mettre à son service à vie durant. Comme conséquence, l'homme est persuadé qu'il possède un pouvoir sans limite, mais seulement en vue de desseins condamnables. Vous devinez les résultats de cette monstrueuse aberration. Si j'entreprenais le récit des précédents exploits du masque aux yeux rouges, je vous ferais évanouir d'horreur. On l'avait enfermé, naturellement, car c'était un danger public. Mais il est parvenu à s'échapper. Ces millions, dont son âme damnée conserve la gestion, sous certains rapports, Big Johnson n'a peut-être pas tort de se vanter d'avoir le diable à son service. Ces millions, donc, lui ont permis de reconquérir sa liberté. On se doutait qu'il préparait de nouvelles excentricités, et j'ai été chargé de le rattraper. Malheureusement, Big avait déjà fait des siennes, et Miss Pearl risque fort de compter au nombre de ses victimes, si nous ne parvenons pas à la tirer de ses griffes. Ce ne sera pas facile. Il faut se méfier du petit diable auquel j'ai fait allusion. Sans celui-là, on aurait l'autre comme on voudrait. » Il laissa tomber sa tête dans ses mains et conclut « Nous ne sommes pas au bout de nos peines. » James avait écouté ses explications avec angoisse. « Mais nous les rejoindrons, » halta-t-il. « Ce morceau de voile nous indique la piste. » M. Jingle hocha la tête. « Nous les rejoindrons certainement, » répondit-il. « Mais ce ne sera pas fini. » Ces derniers mots furent prononcés d'un ton énigmatique et il ne parut pas disposé à s'expliquer davantage. Il se leva et prit le bras de James, qui se laissa docilement emmener hors de la tonnelle. Il trouvait tout naturel qu'on reprît la poursuite sans perdre une minute. Mais, ayant fait quelques pas dans la direction de l'auto, M. Jingle s'arrêta brusquement, consulta l'horizon qu'assombrissait la tombée du jour et déclara, en changeant de ton, « Fini pour ce soir. Plus rien à faire avant demain. »« Hello, vieux camarade, que diriez-vous d'un fin repas ?» Et James, enragé d'angoisse, dut se plier à ce nouveau caprice. Après une nuit de complète insomnie, passée dans l'attente fiévreuse du jour, James Oldsilver, ainsi qu'il arrive fréquemment, s'endormit quelques instants avant l'aube et ne s'éveilla qu'assez tard. Fort mortifié d'avoir cédé au sommeil et de s'être ainsi oublié, il se leva précipitamment et descendit dans le bar. M. Jingle s'y trouvait déjà. « Bonjour, vieux camarade » cria-t-il joyeusement. « Nous ferons de la bonne besogne aujourd'hui, mais vous n'êtes pas au bout, vous savez. » Il disait cela avec une sorte d'intention moqueuse qui échappa totalement à l'amoureux. D'abord, il n'est point exact que nous perdions notre temps, continua sentencieusement M. Jingle en avalant une énorme bouchée. Ensuite, j'ai des tuyaux, de sérieux tuyaux, qui me permettent de vous affirmer que la demoiselle de vos pensées ne courra aucun sérieux danger avant que les aiguilles de cette montre marquent une certaine heure que je connais. Ce disant, il brandit son chronomètre. Et à cette heure-là, mon garçon, mes renseignements m'autorisent encore à vous prédire cela. Vous serez aux côtés de votre belle et entièrement libre de mourir pour elle, si le cœur vous en dit. » Sans s'arrêter à la forme plutôt sarcastique de ces paroles, James tressaillit d'espoir. « Est-ce que cette heure-là sonnera aujourd'hui ? » demanda-t-il avec émotion. « Vous verrez Miss Pearl aujourd'hui, » répondit M. Jingle avec désinvolture, comme si cette promesse n'eût été qu'un détail sans importance. « Au nom du ciel, partons !» supplia-t-il. « Ne restons pas une seconde de plus ici. » Il tenta de forcer le détective à quitter son siège, mais M. Jingle n'était pas décidément facile à mettre en mouvement quand sa propre volonté ne l'y incitait pas. Résistant aux efforts de James, il sortit de nouveau son chronomètre. « Ce n'est pas encore l'heure, » constata-t-il. « On ne fait rien de bon. » si l'on ne se fixe pas un horaire et si on ne le respecte pas. » Mais subitement, et sans aucune raison apparente, le détective perdit cette philosophie courante et narquoise et ce magnifique désintéressement des choses d'ici-bas qui avait le don d'agacer si prodigieusement James Oldsilver. Il bondit sur ses pieds, rectifia fébrilement la correction de sa tenue, regarda le jeune acteur avec une gravité cordiale et lui dit en se caressant pensivement le menton, « Eh bien, Monsieur Oldsilver, je pense que nous n'allons pas tarder à faire un grand pas vers l'objet de vos préoccupations. Ne vous formalisez pas de m'en laisser aller, encore moins de mon humeur taquine. C'est un air que j'ai, une nécessité professionnelle, mais dans le fond, tout au fond, le cerveau ne cesse pas de travailler. » Il parlait en accompagnant ses paroles de gestes mesurés et en fixant James, comme s'il avait été en train de lui expliquer quelques problèmes particulièrement délicats. L'acteur l'écoutait et le regardait avec stupéfaction. Pourquoi se subit besoin de s'excuser? Mais James remarqua en outre qu'une évidente préoccupation, qu'il s'efforçait de dissimuler, lui faisait jeter en dessous de fréquents coups d'œil, dans une certaine direction, que suivit aussitôt le regard du jeune milliardaire. Il aperçut alors, installé dans un sidecar, arrêté à quelques mètres de l'auberge, un petit homme noir au visage rasé et grimaçant, qu'inspectaient la façade et les buveurs, aperçus à travers la baie vitrée du bar. « C'était sûr, » grommela Jingle, d'un ton qui ne correspondait nullement à son air. « J'aurais dû me méfier. »« Qui est-ce ? » demanda James, devinant instinctivement que ce personnage était pour quelque chose dans le changement d'attitude du détective. Celui-ci murmura du bout des lèvres. « Ne le regardez pas. N'ayez pas l'air de le voir. Heureusement que vous êtes déguisé. Pourquoi donc ? Est-ce qu'il me connaît ? Est-ce que nous avons quelque chose à voir ensemble ? » insista James, dont la curiosité s'éveillait. Sans que ses lèvres remuassent, M. Jingle fit entendre un petit rire. « C'est le diable, » riposta-t-il. « Oh, vous apprendrez à le connaître tôt ou tard. » L'amoureux de Miss Pearl tressaillit, se souvenant des paroles que M. Jingle avait prononcées la veille. Big Johnson, le masque aux yeux rouges, avait à son service un personnage que le détective avait déclaré l'égal de Satan. C'était donc ce petit homme. En dépit de la recommandation de M. Jingle, il dirigea vers ce gnome son regard. « Ne l'examinez donc pas, » jura Jingle, en l'obligeant à se retourner vers lui. « Nom d'un chien, ce serait une gaffe de taille !»« C'est lui, n'est-ce pas ? C'est lui dont vous m'avez parlé et qui est en quelque sorte l'inspirateur du masque aux yeux rouges ?» questionna James, très ému. « Vous y êtes ?» condescendit à répondre M. Jingle. « Il est certain que sans lui, Big se tiendrait bien tranquille. Mais à cette question, il ne faut pas parler de lui. Et conservez ce conseil dans un coin de votre mémoire en bonne place. Si vous tenez à ce que ça marche, n'importe où, n'importe quand vous apercevrez le petit diable, n'ayez pas l'air de soupçonner qu'il est autre chose qu'un accessoire dans le paysage. Comprenez-vous ? Il ne faut ni le voir, ni lui parler. Autrement, c'est le diable, répéta énergiquement M. Jingle. N'en parlons plus, voulez-vous ? Ça nous fiche la guigne. Tenez, il démarre. Nous allons suivre. Mais n'oubliez pas ma recommandation. Effectivement, le sidecar venait de s'éloigner brusquement, et une auto, la même que la veille, s'arrêtait devant l'auberge. M. Jingle prit le bras de James et l'emmena vers la voiture. Après une bonne heure de course rapide, l'auto tourna dans l'allée d'un parc et vint s'arrêter devant la véranda d'un restaurant. L'aspect des lieux, la tenue des garçons qui se précipitaient, les silhouettes élégantes que James apercevait sur la terrasse, installées aux tables fleuries, la musique d'un orchestre, tout annonçait un restaurant à la mode. M. Jingle le regardait du coin de l'œil. « Vous ne connaissez pas ?» demanda-t-il avec une pointe de malice. « C'est nouveau et pas mal fréquenté, comme vous allez voir. Rien que du monde chic. » Ils abandonnèrent leur cache-poussière à la valetaille empressée et s'en furent s'asseoir à une table non loin de l'estrade des tziganes, vers qui furent naturellement attirés les yeux de James. Aussitôt, il étouffa un cri. « Calinette !» Et d'un léger signe de tête, il indiqua à son compagnon un des tziganes dans lequel, en dépit du costume masculin porté avec une crânerie charmante, il venait de reconnaître la jeune camarade de Miss Pearl. James dut se cramponner à la table pour ne pas bondir sur l'estrade, mais la voix calme de M. Jingle murmura « Pas de bêtises, tenez-vous, c'est l'instant ou jamais !»« N'ayez pas peur !» bégaya James. Mais s'il eut la force de demeurer à sa place, il ne put par contre détourner les yeux. Au milieu de la foule, il ne voyait que la petite artiste, et son regard avait une telle force magnétique que celui de Calinette se tourna lentement et vint se poser sur lui, mais avec une parfaite indifférence. James se souvint tant qu'il était maquillé et n'avait aucune chance d'être reconnu de la jeune fille. « Il faudrait attirer son attention, » murmura-t-il fébrilement à l'oreille de M. Jingle. « Demeurez en repos, elle ne va pas tarder à venir nous parler, » répliqua négligemment celui-ci. En effet, le morceau achevé, et tandis que ses compagnons en attaquaient un autre, Calinette descendit de l'estrade et se promena entre les tables pour recevoir l'offrande des dilettanti. Elle vint se planter devant celle qu'occupaient James et M. Jingle. Ostensiblement, ce dernier tira de sa poche un billet de $20 qu'il déposa dans la soucoupe. Comme il convenait, la fausse tzigane s'approcha pour déverser des flots d'harmonie dans l'oreille de ce fastueux mélomane. C'était l'instant que guettait le détective. « Miss Calinette, » murmura-t-il rapidement, « nous avons trouvé votre message. Près de moi est James Oldsilver. » Feignant de battre la mesure, Calinette inclina la tête et attacha sur James ses yeux brillants. « Calinette, » soupira-t-il, « où est Pearl ?»« Pas ici, » murmura brièvement la fillette. « Vous l'avez abandonnée ?» ne put s'empêcher de murmurer James. Calinette poursuivit, jetant ces mots qu'elle accompagnait de coups d'archet. « Si je suis ici, c'est pour elle. Je vous attendais. »« Vous saviez que nous viendrions ?» s'exclama James. Et il jeta un regard d'admiration à M. Jingle, auteur évident de cette rencontre. « Vous avez pu vous enfuir ?» questionna à son tour celui-ci, s'adressant à Calinette. « Oui, libre, prête, » chuchota-t-elle de la même façon. Elle fixa James, tout en jouant avec une fougue exaltée. « Vous voulez rejoindre Pearl ?»« Vous n'en doutez pas, Calinette, » soupira l'amoureux. « Facile, restez et attendez. » C'est lui qui va vous en fournir l'occasion. Lui ? Oui, le détraqué, le fou. James frémit à cette confirmation des confidences de M. Jingle. Où est-il ? Demanda-t-il d'une voix anxieuse. Pas avec Pearl, n'est-ce pas ? Autrement, vous ne l'auriez pas quitté. Non, il est ici. Involontairement, James jeta les yeux autour de lui. Cherchez pas, recommanda Calinette. Vous le verrez tout à l'heure. Il faudra accepter. Accepter quoi ? demanda James, interloqué. Mais jugeant qu'elle ne pouvait s'attarder davantage, Calinette s'éloignait. James regarda Calinette remonter sur l'estrade et continuait à jouer avec un entrain endiablé son rôle de tzigane. « Étrange enfant !» murmura James Oldsilver. « Elle n'a pas l'air de se douter qu'aujourd'hui elle joue pour de bon et que la vie de Perle, la mienne aussi par conséquent, sont l'enjeu de la partie. » James se mit à promener ses regards sur la terrasse fleurie, encombrée de petites tables, devant lesquelles, par couple, étaient assis d'élégants cavaliers et de jolies femmes. Tout ce monde-là appartenait évidemment à la meilleure société de New York. Pourtant, James ne reconnaissait aucun visage. Soudain, il dut faire effort pour ne pas interrompre le mouvement semi-circulaire de sa tête et de ses yeux. Debout sur la porte du restaurant, et à demi dissimulé derrière des caisses de fleurs, il venait d'apercevoir le petit homme noir, déjà entrevu le matin, et que M. Jingle appelait le diable, tout en paraissant éprouver à son égard un sentiment qui ressemblait fort à de la crainte. C'était le même petit homme noir que nous avons vu, presque au début de cette aventure, pénétrer chez Miss Perle Rose en compagnie du masque aux yeux rouges. Pour l'instant, ses yeux étaient fixés sur James. « Il nous surveillait, » se dit James, tout à coup songeur. « Soupçonnerait-il ? Monsieur Jingle prétend que c'est le diable. » Il se sentit aussitôt moins persuadé de la perfection de leur maquillage et de l'utilité de leur déguisement. « Tenons-nous bien, nous avons affaire à forte partie. » Il voulut communiquer cette réflexion à son compagnon, mais il en fut empêché par une apparition qui fit se lever toutes les têtes. C'était celle du masque aux yeux rouges, ou de Big Johnson, comme le nommait M. Jingle, qui dressa tout à coup au milieu des tables sa silhouette imposante, et dès qu'il eut aperçu, James Oldsilver ne put penser à autre chose. Le fou n'avait pas changé de costume et portait toujours le masque, dont les trous laissaient apercevoir ses yeux de braise. Frappant dans ses mains pour attirer l'attention, il se hissa pesamment sur une des tables avec l'aide de deux laquais empressés et clama, en promenant sur l'assistance des regards sinistres. « Bonjour, j'espère que vous vous portez bien et que vous êtes tous d'humeur joyeuse. S'il en est ainsi, je vais vous faire une petite proposition, bien susceptible d'agréer à deux banderies. J'ai résolu, à l'occasion d'une circonstance que je vous ferai connaître plus tard, de réunir sur mon yacht Bon Voyage une compagnie sélecte. On y fera bonne chère et l'on y passera gaiement le temps. Je vous invite tous. Qui aime le plaisir me suive. Des autos attendent pour vous conduire à bord. » Les applaudissements éclatèrent. Trouvant sans doute la proposition originale, l'assistance acclamait le fastueux amphitryon. Tumultueusement, chacun se leva pour aller prendre place dans les autos. Toujours juché sur sa table, le masque aux yeux rouges contemplait cet empressement en ricanant avec une satisfaction sardonique. « Je parierais $1,000 que le drôle a préparé quelques bons tours, » dit James, qui tenait ses yeux fixés sur Big Johnson. « Voilà une invitation que plus d'un se repentira d'avoir acceptée si à la légère. Cela, je suis prêt à le parier. « Êtes-vous plus sage qu'eux ?» répliqua monsieur moqueusement monsieur Jingle. Car le jeune acteur n'avait pas été des derniers à se lever et entraînait son compagnon dans la manifeste intention d'imiter ceux qu'il raillait. « J'ignore où je vais, » déclara-t-il en haussant les épaules, « mais je sais une chose, c'est que je suis prêt à accompagner cet homme en enfer, si je dois y retrouver Miss Perle. « En enfer !» murmura M. Jingle, d'une voix qui aurait fait frissonner tout autre qu'un amoureux obstiné. « C'est peut-être bien là que nous aboutirons. » James Oldsilver avait pris place dans un écart affrété par le masque aux yeux rouges. Il s'y trouvait en compagnie de M. Jingle, mais comme il n'y était pas seul, il dut regarder le silence. La route intéressait peu James. Il ferma les yeux et ne les rouvrit que quand un arrêt des voitures lui fit présumer qu'on était arrivé. Ce fut pour constater qu'on s'arrêtait dans un endroit de la côte qui aurait pu, à la rigueur, représenter le désert souhaité. Il n'y était pas seul, malheureusement. La fantaisie du masque aux yeux rouges y amenait avec lui, outre M. Jingle, une infinité de personnages indifférents. À petite distance du rivage, un yacht superbe était mouillé, et des barques s'en détachaient pour prendre les invités de Big Johnson. James ne s'étonna pas du choix de ce lieu isolé. Guidé par cette instinctive astuce, qui caractérisent certains actes de fous et particulièrement ceux qui leur sont inspirés par leur folie. Le masque aux yeux rouges devait éviter les centres habités. Le petit homme noir en personne présida l'embarquement avec une compétence remarquable, prompt à enrayer tout désordre et à discipliner les impatiences. « Quel metteur en scène il ferait ?» pensa James, cédant une fois de plus à la hantise du métier. Et continuant son inspection de la scène dont le rivage était le théâtre, il poussa une exclamation de surprise. « Dieu me bénisse » s'écria-t-il. « Mais c'est un cinéma, on nous tourne !» En effet, dissimulé derrière une roche, un opérateur braquait son appareil sur les groupes et enregistrait la scène de l'embarquement dont James se trouvait être un premier plan. Monsieur Jingle sourit. « Parbleu, observa-t-il, c'est une des manies du fou. J'avais omis de vous prévenir de ce détail. Il veut perpétuer par le film le souvenir de ses exploits. » Cette déclaration fit souvenir James de la séance de projection qui lui avait été infligée. « Il m'a déjà donné un témoignage de ses goûts, » répondit-il sans s'étonner davantage et en cessant de s'intéresser à l'opérateur. Son tour d'embarquer étant venu, il prit place dans l'un des canots avec M. Jingle et quelques autres invités. Peu de minutes plus tard, il mettait le pied sur le pont du yacht. Le masque aux yeux rouges les y avait devancés et se tenait près de la coupée, accueillant ses hôtes avec une amabilité légèrement ironique. Mais James ne lui accorda pas un regard. Près du fou, il venait d'apercevoir Miss Pearl et il faillit se précipiter. Mais quelle surprise ! Miss Pearl, qu'il s'attendait à retrouver agonisante d'effroi, terrifiée, enchaînée ou tout au moins gardée à vue, semblait libre et remplissait, de fort bonne grâce selon l'apparence, le rôle de maîtresse de maison. Elle se prêtait à la comédie du fou sans aucune marque de contrainte ni de révolte. Elle souriait. James Oldsilver crut rêver. Il passa sa main sur son front brûlant, mais l'image persistait et il dut s'approcher à son tour pour saluer Miss Pearl. « Attention !» souffla dans son dos la voix de M. Jingle. « N'oubliez pas que vous êtes déguisé et n'allez pas faire la bêtise de chercher à vous faire reconnaître. Vous compromettriez ma combinaison. » Il en avait donc une. Ces mots rassérénèrent un peu le pauvre James. « Je me tiendrai, » promit-il. Derrière le dernier invité, l'échelle venait d'être retirée. Big Johnson, à travers les trous de son masque, promena sur ses hôtes un regard brillant d'une joie sinistre. « Nous sommes au complet. All right. À tout à l'heure, ladies and gentlemen. La fête commencera. » Il s'éloigna, et aussitôt la contenance de Miss Pearl Rose changea. Une intense expression de terreur et de désespoir se peignit sur ses traits. Elle défaillit et se mit à sangloter. « Pourquoi êtes-vous venu ? » gémit-elle. « Oh mon Dieu, c'est trop horrible. Que va-t-il faire ? Que deviendrons-nous ? » Stupéfait, alarmé, les invités de Big Johnson l'entourèrent aussitôt, l'interrogeant. « Que voulez-vous dire ? Qu'y a-t-il ? Où sommes-nous ? » « À bord du yacht d'un fou ! » laissa tomber l'actrice, d'une voix frissonnante. « C'est un démon qui tient entre ses mains vos existences. » Un silence terrifié suivit cette révélation. Il ne dura que quelques secondes. Aussitôt, au premier effet d'hébétement succéda une terreur panique. Tous se précipitèrent vers les embarcations et un cri résuma la pensée de cette foule. « Nous voulons retourner à terre !» Ils assaillaient les matelots impassibles, s'accrochaient à eux, les suppliaient ou les injuriaient selon les tempéraments et le degré d'effroi. James, en qui l'artiste ne pouvait jamais s'effacer complètement, remarqua malgré lui quelques scènes poignantes qui eussent fait la fortune d'un film. Emporté par la passion du métier, il faillit même gourmander quelques figurants dont les gestes et les attitudes laissaient à désirer et gâter l'ensemble. Cependant, les matelots ne bougeaient pas et ne semblaient même pas entendre. « Ils n'obéissent qu'à lui !» avertit la voix brisée de Miss Pearl, et le rire strident du fou éclata au-dessus des scènes et du tumulte. « Qu'ils sont drôles, by God, qu'ils sont drôles !» braillait du haut de la passerelle le masque aux yeux rouges, contorsionné par la joie. Il tenait à la main deux pistolets automatiques. Son apparition porta les terreurs à leur paroxysme. Des femmes s'évanouirent, d'autres poussèrent des clameurs de détresse, tandis que les hommes, entourant la passerelle, cherchaient une attitude capable d'en imposer au fou. Ce spectacle déplut à Big Johnson qui, devenant tout à coup furieux, « Qu'est-ce que cela ? » hurla-t-il. « Je veux que la gaieté règne à mon bord, morbleu, riez ou je tire !» En lançant cette menace, il tenait ses pistolets braqués sur les invités, verdissant de terreur. Par crainte d'exaspérer ce dément, les malheureux s'efforcèrent aussitôt d'obéir. De lamentables parodies de sourires apparurent sur les faces et les firent grimacer. Ce fut à la fois grotesque et effroyable. « Bravo !» ricana le masque aux yeux rouges. « Voilà par ma foi d'aimables convives, et tout à fait joyeux. Égayez-vous, gentlemen, et suivez-moi. La table est mise. Par Jupiter, ce sera un joyeux festin. » C'était un souper. Un joyeux souper, comme l'avait dit le masque aux yeux rouges, qui le présidait, placé au centre de la table principale, ayant en face de lui Miss Pearl et James Oldsilver. Le masque aux yeux rouges, c'était évident, attacha à cette soirée une importance extrême. Il n'en attendait cette sorte de distraction que goûtait son cerveau dément et dont le spectacle de la terreur d'autrui formait le principal élément. C'était Big Johnson qui présidait, mais comme toujours, son conseiller, le petit homme noir, se tenait dans la coulisse, éveillé en personne à l'exécution des desseins du maître. James pouvait l'apercevoir, mêlé à la foule des serviteurs, surveillant tout et donnant des ordres avec cette agitation turbulente qui le caractérisait. M. Jingle était le voisin presque immédiat du jeune acteur et n'en était séparé que par une dame, si mince et si muette qu'elle ne comptait pour ainsi dire pas. Toute l'activité de cette figurante était employée à engloutir le plus rapidement possible les différentes portions que le maître d'hôtel déposait dans son assiette. James ne lui accordait pas la moindre attention. Il ne se retournait vers elle que pour échanger de rapides coups d'œil avec M. Jingle, plus énigmatique que jamais. « N'y a-t-il rien à tenter ? » semblait-il demander. « Est-il possible de laisser passer une occasion pareille ? Le hasard nous a réunis. Miss Pearl est près de moi. En face de nous, voici le fou sans défense ni méfiance. Il suffirait d'un peu d'audace. » Ce n'était probablement pas l'avis du détective. Il ne répondait que par un sourire mystérieux qu'accompagnait un imperceptible haussement d'épaule. Tout à coup, Big Johnson frappa dans ses mains pour réclamer l'attention, et ce fut le signal d'un long frémissement qui excita la gaieté du fou. « Joyeux ami, » clama-t-il, « ne seriez-vous pas aise de connaître le but de notre croisière et de savoir pourquoi j'ai tenu à vous réunir en si grand nombre autour de moi ? Jusqu'ici, vous avez bien voulu me faire confiance, mais le moment est venu de vous révéler le nom du port vers lequel nous cinglons. » Il prit un temps. Toutes les faces le fixaient, anxieuses, mais avec un rayon d'espoir dans les yeux. En serait-on quitte pour la peur ? Alors le fou laissa tomber, au milieu du grand silence, « Ce port, c'est l'éternité, le seul pays où l'on se repose complètement, toujours. Tenez-vous à la vie, ladies and gentlemen ?» S'ils y tenaient, ah, plus que jamais, cela se lisait sur leur visage blêmi par un désespoir soudain. Mais ce n'était pas la vie du masque aux yeux rouges, il vociféra. « La vie est odieuse, abjecte, infecte, elle m'horripile, j'ai résolu d'en finir. » Promenant la ronde son regard ailleurs, il poursuivit. « Mais je ne veux pas partir seul. Je tiens au contraire à m'entourer d'une nombreuse et joyeuse compagnie. Et c'est pourquoi je vous ai rassemblés, ô vous mes élus, mes compagnons de la dernière heure, mes compagnons du grand voyage. Nous nous suiciderons de compagnie. Ce soir. » C'était de l'horreur qui maintenant se peignait sur les physionomies. Quelques convives se dressèrent. Des protestations allaient jaillir de leur gorge. Le geste de Big Johnson les arrêta. « Oh, rassurez-vous, vous n'aurez à faire aucun effort personnel. Je me charge de tout. Toutes mes dispositions sont prises pour vous suicider de la façon la plus agréable et la plus rapide. » Devant lui, le fou avait fait placer une gigantesque bouteille de champagne casquée d'or et déposé dans un seau à glace. Il la montra. Quand le bouchon de cette bouteille sautera, nous en ferons autant, annonça-t-il. Voyez ce fil qui l'entoure. Il le relie à une soute garnie de dynamite, une étincelle et boum, bonsoir. Il approchait sa main de la bouteille. Il y eut une ruée. Tous se précipitaient vers la porte, mais à peine l'eurent-ils ouverte qu'ils refluèrent vers leur place, en gémissant de terreur. Des nègres à l'aspect féroce, armés de coutelas, gardaient chaque issue. Le masque aux yeux rouges poussa son éclat de rire démoniaque. Il siffla, et des négrillons revêtus de somptueuses livrées entrèrent, portant des plateaux et des corbeilles, les uns garnis de coupes de champagne et de boissons variées, les autres pleins de cigares des meilleures marques. Les porteurs se mirent à circuler entre les tables, offrant cigares et boissons au choix des convives. La voix de Big Johnson retentit de nouveau. « Faites votre choix ou prenez les yeux fermés, » ricana-t-il. « C'est un numéro que vous tirez et qui vous donnera la mesure de votre chance. Car ceci est une tombola. Une tombola à plusieurs gros lots. Ma dernière marque de munificence. Essayez votre benne. C'est la tombola de la mort. » Cette fois, les cheveux se dressèrent sur les têtes. James Oldsilver lui-même lâcha le cigare qu'il venait de prendre. Que signifiait cette horrible plaisanterie ? Eh quoi ? Cela vous fait hésiter ? Poursuivit le fou. Ma parole, je ne vous comprends pas. Il devrait y avoir presse. On devrait se disputer les lots. Car écoutez bien ceci, gentlemen. Il est vrai qu'un certain nombre de ces coupes sont empoisonnées, mais elles ne le sont pas de façon uniforme. Je hais la monotonie autant que je prise la fantaisie. J'ai donc fait mettre à votre disposition tout un choix de poisons dont les uns vous feront expirer au milieu d'atroces souffrances, tandis que les autres, en nombre égal, vous procureront la plus douce des morts. Affaire de chance. Cela vaut la peine d'être tenté. D'ailleurs, ce sera plus vite fini que d'attendre le saut du bouchon. Passons aux cigares. Ils sont de taille et de choix, n'est-ce pas ? Tu Dieu, quelle habane ! Mais ils ont quelque chose de particulier, un certain nombre tout au moins, et c'est de renfermer une pastille explosive. En fait, ce sont des cigares à la dynamite. On les fume béatement et tout à coup, 36 chandelles, un coup de tonnerre, plus personne, le fumeur est parti en fumée. N'est-ce pas gentil ? Et d'un gracieux coup d'œil, sans parler de l'émotion, en cette matière je suis connaisseur. Voilà qui donne de la saveur au bouffet que vous tirerez. Y suis-je ? Pas encore. C'est peut-être la dernière. Nenni ! Ah, cette fois m'y voici. Et ainsi, jusqu'à ce que vous ayez atteint cette petite bague blanche que porte chacun de mes cigares. Tenez les yeux fixés sur elle en fumant, gentlemen. Elle marque l'extrême limite de l'expérience. L'explosif est là, ou bien il n'y est pas. Ah ah, ceci vous intéresse. Attendez. Si vous voyez la braise de votre cigare atteindre et dépasser la petite bague blanche, achevez en paix, vous avez gagné. La chance vous a favorisé. Il ne contenait pas de dynamite. Fumez, fumez. Mais je parie bien qu'alors vous lui trouverez moins de goût. Il vous paraîtra fade. Il fit une nouvelle pause en regardant l'auditoire consterné. Sur les plateaux et dans les corbeilles, la collection des coupes et des cigares demeurait au complet. Personne n'osait y toucher. « Que vois-je ? » s'exclama ironiquement le masque aux yeux rouges. « On dédaigne les coupes, qui peuvent procurer la suprême ivresse. On ne se dispute pas mes cigares. Vous avez tort. Il y a un réel intérêt à faire votre choix. Je vous ai parlé de tombola à plusieurs gros lots. On ne gagne pas que la mort. On peut aussi gagner la vie. » Effaré, les convives écoutaient. « Mais oui, puisque toutes les coupes ne sont pas empoisonnées, puisque tous les cigares ne sont pas explosibles. Il y a une chance sérieuse, et pour vous encourager à la tenter, j'augmente encore son importance. Je la rends définitive. Ceux qui auront favorisé le destin seront épargnés. Je leur donnerai leur congé et toute licence de franchir la porte et de s'embarquer dans un canot. Ha ha ! Ceci vous semble plus tentant. Effectivement, l'annonce de cette chance inespérée que leur offrait le fou faisait hésiter les moins abattus. Quelques mains se tendirent vers les plateaux, saisirent des coupes avec des doigts tremblants, et après une hésitation plus ou moins longue, les plus audacieux les vidèrent d'un trait, la sueur au front. Puis, mortellement pâles, presque défaillants, ils attendirent.